Comment savoir si je suis papa? Peut-être en attendant comme ça. Comment savoir si je suis papa? Puisqu'Angèle ne me répond pas. Comment savoir si je suis papa? Je reste tout seul chez moi. Comment savoir si je suis papa? Puisqu'Angèle ne me répond pas.